Et puis après, il y avait aussi la journée du pain. C'était encore un drôle de jour, ça. Quand on faisait le pain, on le faisait, tout le village cuisait au banal le même jour. Mais c'était chacun son tour à choper le four. Parce que pour choper le four, il fallait beaucoup plus de bois que celui qui vient après, qui prend déjà le four chaud. Alors on appelait ça un chouzouni. Parce qu'alors il fallait beaucoup plus de bois. Alors c'est à tour de rôle. C'était toi, puis après c'était moi, puis c'était lui. Et tu sais que c'était. Et ça durait toute la journée pour faire le pain? Oh oui, avant que toutes les familles soient passées. Et puis alors le soir, les femmes ils portaient leur tourte de pommes de terre, parce que le four restait chaud. Et puis Nédine, on ramena le four. La tourte de pomme de terre du four, elle est tombée là en haut du chasal, toute la tourte, tout. Et elle me criait, maman, porte un peu une cuillère. Mais ça, le pain, on le faisait quoi, tous les mois? L'hiver, tous les mois. Tous les 20 jours. L'été, tous les 20 jours, parce que il séchait plus vite. Et le bois pour mettre dans le four, c'était chacun qui allait le chercher. Alors, chacun fournissait le bois, bien sûr. Et c'est du petit bois ou du gros bois pour mettre? Des étels. Après, pour balayer ce four, c'était pareil. C'était pas... Tu l'as encore balayé, toi, le four? Mais oui. Donc, les ustensiles pour la cérémonie, les scoubas. Alors on mettait la pâte dans un grand chaudron que nous avons encore, tu te rappelles ce grand chaudron? On portait ce grand chaudron, et alors là-bas j'avais mon seau d'eau, je trempais mes mains dans le seau d'eau, puis je prenais ma pâte, elle me met mouillée, la pâte ne se collait pas. Je trempais mes mains dans le seau, je prenais ma pâte et je mettais sur le palassou, où auparavant j'avais mis un peu du son pour que ça ne reste pas collé à la pelle. Et vous le faisiez, oui, ce que j'allais dire, vous le faisiez sur place? Mais on avait essayé ça en dernier temps. Oui. Parce que finalement, pour nous, personnellement, on faisait le pain, on pétrissait dans une pièce trop froide. Alors il ne levait pas. Et c'est à cause de ça qu'on avait fait les dernières années. Mais sinon, la majorité, quoi, c'était faire le pain. C'est le pain, on le posait sur la planche. Puis là-bas, on le faisait venir comme ça avec la main, puis on le posait sur le palassou. Et les gens ne mélangeaient pas leur pain dans le four? Ah ben, chacun son tour. Chacun son tour. Chacun son tour. Et alors donc, pour cuire, il y avait aussi un tour pour mettre le pain dans le four? Ce que je vous dis, c'était chacun son tour à chauffer le four. Oui, et aussi à mettre son pain. Et oui, alors l'autre venait après, puis ainsi de suite. C'est-à-dire, celui qui chauffait en premier, il mettait aussi en premier son pain? Et oui. Et puis après, il fallait quand même encore quelques fagots pour redonner vraiment de bonne chaleur. Il fallait réchauffer un peu. Chaque fournée, il fallait mettre quelques fagots. On appelait ça faire le tchandestel. Ça, c'était le tchandestel, c'était la première fois. Une chose.